Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 4. De la perfection de Dieu. Dieu est infiniment parfait, le type de toute perfection, aucune créature ne l'égalera jamais. 1. Dieu est-il parfait? Soyez parfait, a dit le Sauveur, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Donc Dieu est parfait. Les pythagoriciens, qui ne voyaient dans le premier principe que la matière, avaient raison, sans doute, de ne point lui attribuer la souveraine perfection. Quoi de plus imparfait que la matière? Elle est essentiellement en puissance, et dès lors très imparfaite. Mais Dieu n'est pas le premier principe comme matière. Il l'est comme cause efficiente. Voilà pourquoi nous devons dire qu'il est très parfait. En effet, le premier principe actif doit être absolument en acte, et dès lors infiniment parfait. Un être est plus ou moins parfait suivant qu'il est plus ou moins en acte. Ce n'est pas sur un autre fondement que l'on appelle parfaite toute chose à laquelle il ne manque rien selon le mode de perfection qui lui est propre. Note. Voir notre lexique, tome 4, pour les mots acte et puissance, qui n'ont pas de synonyme dans la langue française. Fin de la note. 2. Dieu a-t-il les perfections de tous les êtres? La première cause agissante doit posséder toutes les perfections, car il faut que les perfections des êtres existent en elles virtuellement et suréminemment. Saint Denis insinue cette raison quand il dit « Dieu n'est ni ceci, ni cela, il est tout, dans le sens qu'il est cause de tout. » De plus, on peut dire que Dieu, étant l'être même subsistant par soi, il a toute la perfection de l'être. Pourquoi tel corps chaud n'est-il pas parfaitement chaud, sinon parce que la chaleur ne lui appartient pas tout entière? Supposer qu'il fût par lui-même la chaleur, il posséderait nécessairement toute la chaleur. Donc, puisque Dieu est l'être même subsistant, il a toute la perfection de l'être. Mais la perfection de l'être réunit les perfections de toutes les choses, car les choses sont parfaites à proportion de l'être qu'elles possèdent. Ainsi, Dieu renferme les perfections de toutes les créatures, aucune de toutes les perfections de l'être ne pouvant manquer à ce qui est l'être même subsistant par soi. 3. Les créatures peuvent-elles être semblables à Dieu? Nous lisons dans la Genèse, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Genèse 1, 26. D'un autre côté, David s'écrie, « Nul n'est semblable à vous, Seigneur. » Psaume 86, 8. Et Isaïe, à qui avez-vous assimilé Dieu? Isaïe 40, 18. Ceci nous conduit à examiner si la créature peut être semblable à Dieu, et en quel sens on peut se servir de cette expression. Lorsqu'une cause n'est renfermée dans aucune espèce ni dans aucun genre, ses effets ne peuvent avoir avec quelque des ressemblances très imparfaites, et seulement d'analogie, en tant que l'être est commun à tous les êtres, il ne lui ressemble ni pour le genre, ni pour l'espèce. Telle est la ressemblance que les créatures ont avec Dieu, elles lui ressemblent en tant qu'elles sont des êtres, et qu'il est le principe universel de tout être. Note. Lors donc que l'Écriture proclame que rien n'est semblable à Dieu, elle ne veut pas donner à entendre que les créatures n'ont aucune ressemblance avec le Créateur. Les êtres ressemblent, en effet, à Dieu et ne lui ressemblent pas, ils lui ressemblent par leur assimilation à ce qu'il n'est pas possible d'imiter parfaitement, ils ne lui ressemblent pas en ce qu'ils s'éloignent de leur cause. Non seulement en degré comme le plus et le moins dans les couleurs, mais parce qu'ils n'ont avec elle aucun rapport d'espèce ou de genre. Mais, quoique l'on puisse dire que les créatures ressemblent à Dieu, On ne doit pas employer cette autre locution, Dieu ressemble aux créatures. Un portrait ressemble à un homme ne ressemble pas à son portrait. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.